C'est validé par les faits parce que. Bah, les faits contredisent quand même ça. Comment ça, les faits contredisent ça? Actuellement encore, hein, ne me parle pas du Moyen-Âge. Hein. Ah oui, non, mais ça ne marche pas comme ça. L'histoire, ça se prend dans son ensemble. Non, non, parce que l'histoire évolue, en fait. L'histoire évolue. Nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 600 ans, en fait. Les blancs comme les noirs, si tu veux. Donc, non, non, moi, je te parle de maintenant.